Oh, wow. ثلاثي كاين ملي كتخمم مزيان راه كاين غير واحد حيت متكاملين بثلاثه ادريس هو المنظم لي زاكسيون هو اللي كينظمهم وملي 30 40 50 متر ولا 60 متر كيعطيك الكره بالمليمتر في رجليك عبد السلام سي لو فينيسور سي لو بولدوزر وشتوكي سي لارتيست لا لا لا لا بوجي بوجي لا لا لا لا جوي جوي حمايا La la la la, bougez bougez, sans arrêt. La la la la, jouez jouez, harayale. La la la la, et allez allez oh. La la la la, les rosiers au bianco. La la la la, et allez allez oh. La la la la, les rosiers au bianco. Vous tenez la peine à l'verrage. Malgré ton combat, je sais où est ton message. Les lobagos, y'a qui est les gars. Les lobagos, y'a ce que t'as la loba. Oh la la la la, et allez allez oh. Oh la la la la, les roses sont bientôt. Oh la la la la, et allez allez oh. Oh la la la la, les roses sont bientôt. Voy a que palmarés, chuque de ser mudé, la giré, sora y fidel, un chile sense mellow and we dead, un chile sense mellow and we dead, oh la la la la, e ale ale oh, oh la la la la, le rostro bianco, oh la la la la, e ale ale oh, oh la la la la. Les rostos bientôt, pour lui des allées à l'héro. Réellement, nous sommes oligarques. Allez, allez, fidèles et hauts. Together forever, kamikas. Together forever, kamikas. Oh la la la la, et allez à l'héro. Oh la la la la, les rostos bientôt. Oh la la la la. Et allez, allez, oh, oh la la la la, les roses sont bientôt. Vous n'y faites tout bête de séqué, les roues chérées, voyons comme la couronne. Et à nous tordre la sable ballon, jamais ni sert, on me croire au bouchelon. Jamais ni sert, on me croire au bouchelon. Oh la la la la, et allez, allez, oh, oh la la la la. Les roses sont bientôt, oh la la la la, et allez allez oh, oh la la la la, les roses sont bientôt, la la la la, bougez bougez sans arrêt, oh la la la la, jouez jouez, harayale, oh la la la la, bougez bougez sans arrêt, oh la la la.